trahi, douloureux comme un pote mitraillé. Dans chaque bloc, chaque pote rêve du jackpot. Et chaque pote a son pote lot. Fini l'époque des pingos, couille ton ref et puis stock les lingots. Très triste histoire, très triste. Maîtrise le bise et là tes potes te baissent. La cote en baisse quand ça parle de baisse, puis en caisse. Quand ceux qui te blessent, ce sont ceux qui te blessent. Trahi par une meuf, haï par des refs. Tlaï pour meilleur fume, c'est la crise. Les amitiés se brisent quand tu pisses. J'invite le fils du fils de la convoitise. Mais seule ta mère t'aime. Lorsque l'amertume, elle a la même peine. Et c'est l'amertume, la mort me guette. La jalousie prend place dans cette morne fête. Or le fait est que je suis envié. C'est pété car la jeunesse part en biais. Pour un billet je suis inquiet. Mais je crois qu'il y en a plus d'un qui l'est. Les gens changent plus en mal qu'en bien. La sympathie devient antipathie. Transition qui tape à l'œil. Quand t'as l'argent, on veut ton deuil. Les faciès changent autour de moi. Alors que je touche pas un rond à chaque fin de mois. Et que la guine joue avec mes nerfs. Ma vie s'avère un trait calvaire. Je perds certains potes en ce moment même qui me croient quasiment millionnaire. ADK est sorti. Apparemment, cela n'a pas l'air de leur plaire. Je les emmerde. Ces faux frères qu'ils fassent la scission. Je suis débonnaire, certes, mais je fermerai les yeux s'il y a contrition. Plus d'une fois trahi, je l'ai été. Je pense ne pas l'avoir mérité. Amitié, sincérité. Oui, ils m'ont tué sans cesse, c'est raté. Ces faux amis aux grands sourires empruntés. Plus d'une fois trahi, je l'ai été. Une fois trahi, je l'ai été. Plus d'une fois trahi, je l'ai été, je pense ne pas l'avoir mérité, amitié, sincérité. Oui, ils m'ont tué sans cesse, c'est raté, ces faux amis aux grands sourires empruntés. Une fois trahi, je l'ai été. Une fois trahi, je l'ai été. Ma vie dans le rap avoir un niveau. Foncer le mic Paname jusqu'à Bilbao. Fais rêver le peuple comme Balboa. Trop de mecs me font des fellations comme Abil. Du 4-5 au 7-7, demande à mon pote Adil. Les frères deviennent méfiants aux esprits mafieux. Trahissons creux. Deviennent moins souriants, ils ne se font plus de blagues entre mon vieux. Trop mon trahi, mec, pour un boule nice sec. TEST et son pote unique, on s'en bat les yeux. Je revois les jours passer. Et là, je me dis sans blague, c'est sanglant. En bas, tous ces salauds, quand ils me saluent, c'est qu'ils font semblant. Et si on se quitte, pour que je me relève, faudrait des semaines. Je vois pas la vie sans eux, en plus sérieux, t'as vu la vie que je mène. Déçu d'écrire, même si au fond je me suis décidé. Décidément c'est dur de voir que tous les liens sont décédés. Besoin de briller, lâcher des meurs parce que là je méprise. Pas besoin de trier, tous ces cheveux-là un jour vont lâcher prise. Trop de traite, c'est triste, comme si la vie s'agace. Ne faisait pas assez de coups de grâce. Il se tape, même pour savoir qui me portera le coup de grâce. Nous les 8, on serre les coups de grâce. Au mic, 10 francs, je moins, qu'est-ce t'en penses, 10 frais. Les refrains, aux deux visages comme une pièce de 10 francs. Et puis je suis moins pieux, même Dieu m'a trahi. Tant de prières sans réponse. J'ai tant échoué, au mieux j'ai failli. Les rares fois où je me fia, ce fut un fiasco. TEM, PLAR, Ultimatum Sauce, un plus de fiasco. Plus d'une fois trahi, je l'ai été, je pense ne pas l'avoir mérité. Amitié, sincérité. Oui, ils m'ont tué sans cesse, c'est raté. Ces faux amis aux grands sourires empruntés. Plus d'une fois trahi, je l'ai été. Plus d'une fois trahi, je l'ai été. Plus d'une fois trahi, je l'ai été, je pense ne pas l'avoir mérité. Amitié, sincérité. Oui, ils m'ont tué sans cesse, c'est raté. Ces faux amis aux grands sourires empruntés. D'une fois trahi, je l'ai été. D'une fois trahi, je l'ai été. Cette nuit encore, j'avais l'oreille qui sifflait. Plus d'une fois trahi, c'est vrai. Même si à force on s'y fait. Et si à chaque fois on dit que c'est la dernière, me mettre des yeux derrière la tête serait une idée, mais les perdre serait une certitude. Crever mes paupières, yeux et la tête par une main avide et connue de la mienne. Merde, je crois que j'en ai trop pris l'habitude. Avant, j'avais le cœur sur la main. Maintenant, le bout dans ma peau. Maintenant, je reste froid dans mon dégoût sur un croc. Avant, durer mon temps dans des histoires qui n'en valent pas. Dans des histoires que je n'avale pas. Donc mon dos elle est couvert. Je suis mieux, mais je garde les grands ouverts. Pose un regard déçu et décevant. La maîtrise décelant. Devant ma face au vent. Trahi, trahi, t'es bien trop souvent. Trahi, souvent, bien trop souvent. Une fois trahi par mes proches, regarde la haine au fond de mes yeux. Une fois trahi par ceux qui partageaient les mêmes vœux. J'écris dans ce couplet ma rage contre ces traîtres. Profite de mon expérience et décrit mon savoir dans ce texte. Même si trop me déçu, je reste toujours indécis sur le choix des personnes qui me suivront dans mes raccourcis. Pense à l'avenir obscurci de ces jeunes qui sont assis sur la branche qu'ils scient. Et ça tout le monde le sait. Pourtant on continue, on sneak chaque jour. Regarde la vérité en face, les jeunes ont un avenir trop court. Je rappe ce texte pour tous ceux qui m'écoutent ici et pour les prévenir. Choisis bien ton entourage, les traîtres sont mauvais pour ton avenir. Une fois trahi, je l'ai été, je pense ne pas l'avoir mérité. Amitié, sincérité. Oui, ils m'ont tué sans cesse, c'est raté. Ces faux amis aux grands sourires empruntés. Plus d'une fois trahi, je l'ai été. Une fois trahi, je l'ai été. Plus d'une fois trahi, je l'ai été, je pense ne pas l'avoir mérité. Amitié, sincérité. Oui, ils m'ont tué sans cesse, c'est raté. Ces faux amis aux grands sourires empruntés. Plus d'une fois trahi, je l'ai été. Une fois trahi, je l'ai été. Ultimatum, ultimatum, success. ATK, ATK, TPS, prestige.